Chapitre 6e. Dans sa chambre en rose, dans ce même lit où elle avait dormi pour la première fois en arrivant de Lombardie à la Villa del Giglio, Elisa était couchée. Un beau rayon de soleil encore chaud pénétrait par la fenêtre entr'ouverte, illuminait la couleur rose des rideaux, faisait chatoyer la dorure d'un cadre et paraissait vouloir donner des couleurs aux joues pâles de la convalescente. Elisa avait eu une fausse couche et pendant quelques jours on l'avait crue très malade. Ses parents étaient arrivés. L'espoir, tardivement conçu et encore trompé de voir un enfant égayer bientôt la maison, avait affligé tout le monde, mais Madame Valenti surtout pleurait à chaudes larmes la perte du petit héritier. Elisa, qui, malgré ses efforts pour réprimer ce sentiment, avait été péniblement affectée à l'arrivée de sa mère, après l'avoir vue assise à son chevet, avait fini par répondre à une de ces embrassades exaltées par un baiser silencieux qui était, sans que personne le sût, un baiser de pardon. Et plus que jamais, après tout ce qui s'était passé, la présence de son père, si bon malgré ses faiblesses, lui avait fait du bien. Madame Valenti venait de quitter la chambre. Massimo était assis au pied du lit, dans le grand fauteuil où, malade lui-même, il avait passé 5 nuits de suite à veiller. Nulle part, d'ailleurs, il n'aurait pu dormir. Il avait passé là des heures interminables, dans la pénombre vaguement rose de la chambre éclairée par la douce lueur d'une veilleuse, les yeux grands ouverts, faisant parfois tout éveillé les rêves les plus étranges, parfois revoyant les événements du passé récent se dessiner avec une netteté extraordinaire sur le fond de pâles ténèbres où se perdait son regard. Toujours il revoyait la scène qui avait apporté en lui une nouvelle transformation. Toujours il pensait à la manière dont il était parti, ouvrant machinalement du balcon la porte-fenêtre mal fermée de la chambre voisine de celle occupée par sa femme. Comment il s'était, plus tard, trouvé à la gare presque sans le savoir, et comment il était revenu à la villa et y avait trouvé un télégramme d'Elisa, l'avertissant qu'elle n'arriverait que le lendemain. Elle était arrivée en effet, et lui avait raconté qu'elle n'avait pas trouvé Madame Beghezzi âgée, car son mari avait été transféré à Prato 2 mois auparavant, et qu'alors elle s'était décidée à y aller, ce qui avait fait un retard d'un jour, que les Beghezzi se portaient très bien, eux et leurs 7 enfants, et qu'ils avaient été très heureux et très flattés de sa visite. 2 jours après, elle s'était mise au lit. Pendant les heures passées à Alger, Massimo avait été ballotté entre les extrêmes de l'amour, de la passion tourmentée et violente à la tendresse sans bornes, de toutes les fureurs de l'égoïsme exaspéré au renoncement complet de lui-même. Maintenant, l'équilibre se refaisait. Il sentait combien l'amour qu'il portait à Elisa était plein de tendresse, mais bien que l'idée de se sacrifier le hantât, il comprenait qu'il en était incapable. Tout se confondait dans sa tête affaiblie. La pensée s'était mêlée en lui aux rêves durant ses longues insomnies. Honteux de sa jalousie passée, depuis qu'il avait entendu les nobles paroles de sa femme, il jugeait amèrement la situation comme aurait pu la juger un tiers désintéressé. Mais en le faisant, une douleur si aiguë le remplissait qu'elle ne manquait pas d'une certaine horrible volupté. Il se disait: une fois par hasard, il est arrivé que dans notre société triste et dépravée, 2 êtres s'aimassent réellement, du rare et véritable amour éternel. On les sépara, mais ils se sentirent réunis à 1000 lieues de distance par leurs âmes, comme si leurs mains ne se fussent pas lâchées. Le jeune homme avait pu enfin revenir en Europe, ayant dû mentir pour que sa fiancée fût libre, et il l'avait trouvée mariée à un autre qu'il avait épousé pour la sauver, poussé à cette facile bonne action par la bonté légère qui est au fond des natures corrompues. Et ce mari, qui avait ensuite aimé sa femme par caprice, devait rendre à tout jamais impossible le bonheur entre 2 êtres qui semblèrent avoir été créés pour s'aimer. Et exalté, exagérant même ce qui lui semblait la vérité, il se persuadait qu'il avait fait le malheur d'Elisa. Elle serait heureuse maintenant si elle ne l'avait pas rencontré alors sur son chemin, et que méritait-il, ne lui ayant apporté qu'un amour tardif, après une vie déréglée, un amour auquel elle ne pouvait correspondre que par une idée de devoir. si réellement il sentait pour Elisa une amitié profonde, si vraiment il voulait faire quelque chose pour son bonheur, pourquoi ne le ferait-il pas en se sacrifiant comme jadis il l'avait fait sans peine? Pourquoi, ayant voulu autrefois la sauver de M. Gorletti, ne la sauverait-il pas maintenant de lui-même? Mais il sentait qu'il ne le pouvait pas. Il regrettait bien encore parfois de n'être pas tombé au fond du gouffre sur lequel il était resté un instant suspendu dans l'inoubliable soirée à Alger. Mais maintenant, malgré tout, les mollesses de l'amour égoïste le reprenaient en contemplant Elisa endormie, pâle, sur la blancheur de ses coussins. Et Elisa aussi, les yeux demi-clos, regardait son mari longuement sans qu'il s'en aperçût. Dans l'engourdissement de la maladie, toutes ses idées s'étaient comme voilées, et les événements qu'il avait tant émus lui paraissaient lointains. Mais Massimo lui inspirait toujours une crainte pénible. Elle le voyait dévoué, attentif à ses moindres désirs, mais toujours triste et inquiet, et elle attendait en vain de lui une parole qui brisa la glace, ce quelque chose d'extraordinairement tendu qui était entre eux. Sa vie avait changé. Les journées pénibles de Via Reggio n'avaient été qu'une lente préparation à une crise qu'elle pressentait. Et en effet, la présence inattendue de Giulio à Alger et les heures passées avec lui avaient marqué un point d'arrêt dans son existence. Et il fallait tourner une nouvelle page maintenant. Il fallait que la vie interrompue fût reprise et rendue possible. Elle le désirait ardemment, de tout son cœur, mais pour cela, il était nécessaire que Massimo l'encourageât, trouva le mot qui devait tout délier. Bien qu'elle ne se sentît pas coupable, elle eût voulu tout dire, mais une contrainte invincible l'arrêtait, et elle eût voulu d'abord lui entendre prononcer un seul mot comme autrefois. La maison semblait plus silencieuse que jamais, malgré la présence de M. et Mme Valenti. Les domestiques eux-mêmes, avec leur flair instinctif, sentaient un changement dans l'air, dont ils essayaient en vain de préciser la cause. Les grandes salles du rez-de-chaussée, toujours vides, paraissaient aussi attendre quelque chose qui ne devait jamais arriver. On restait dans les appartements du premier, à portée de la chambre d'Elisa. Quand ils y étaient tous les quatre, ils éprouvaient tous une gêne indescriptible, chacun à sa manière. Massimo arpentait seul ce jardin où il s'était si souvent promené avec Elisa, et les souvenirs qui s'élevaient à chaque pas, sortant des grands arbres, comme chuchotés par les dernières feuilles que déjà la brise de l'automne secouait, lui semblaient des souvenirs de choses mortes, pour toujours ensevelies dans le passé lointain et que rien ne pourrait faire revivre. Il lui paraissait certain que ce silence planant partout ne pourrait plus être interrompu. Les douces causeries, les tranquilles gaietés qui lui rendaient une jeunesse nouvelle, les délices de sentir le monde oublié dans les douceurs d'un égoïsme à deux, tout cela s'était envolé à jamais. S'il regardait à l'heure du couchant les avalanches de pourpre et d'or s'éteindre lentement à l'horizon, et l'ombre envahir peu à peu la silhouette éloignée de Florence, il se disait que ce poème céleste, varié tous les jours et constamment sublime, ne donnerait plus des ailes à sa rêverie, car il ne trouverait plus en lui-même les mille nuances changeantes d'un amour impérissable s'harmonisant avec le ciel. Il arrivait à se dire que sa femme se trompait elle-même en croyant l'aimer, et qu'il resterait toujours entre eux un pénible secret qui les séparerait. Que deux fois depuis qu'elle était convalescente, il avait voulu parler, et que deux fois il avait senti l'impossibilité d'articuler les mots. Enfin, ce jour-là, sans qu'il sût qui lui donnait ce courage, il prit la main d'Elisa qu'il garda longuement dans la sienne et lui demanda de l'écouter, bien décidé à tout dire. Mais elle tressaillit et, devenue sérieuse, se souleva sur son séant en s'écriant « C'est moi qui dois vous parler !» Et alors, peu à peu, s'arrêtant souvent, en proie à une visible souffrance, mais bien fermement décidée à faire ce qu'elle méditait depuis longtemps, et en même temps comme soulagée à chaque parole qui sortait de ses lèvres, elle lui raconta tout ce qui s'était passé à G. Massimo s'arrêta tout à coup et se garda bien de l'interrompre. Pâle, attentif, il ne perdait pas une syllabe, et parfois un sourire ému lui illuminait les yeux. Elle raconta tout, sans rien vouloir cacher ni atténuer, avec la sincérité absolue d'une femme à qui la dissimulation avait déjà coûté comme un mensonge. Rien au monde n'aurait pu émouvoir Massimo autant que ce récit dont chaque mot flamboyait devant lui. Il se maîtrisa et sut écouter jusqu'au bout cette noble confession, humblement dite. Elisa parlait lentement, les yeux baissés, sentant la main de son mari serrer toujours plus fortement la sienne. Mais il n'y tint plus dès qu'elle eut fini, et se précipitant à genoux contre le lit, il s'écria « Je savais tout !» Et au grand étonnement d'Elisa, il lui raconta de quelle manière et avec quel sentiment il avait été témoin de toute la scène. Elisa, brisée par l'émotion, sentit alors quelque chose de providentiel dans ce fait que l'injuste soupçon qui avait poussé son mari à l'espionner avait servi à lui montrer toute la vérité, dans son évidence, avec une certitude que rien au monde n'aurait pu lui donner. Pendant que Massimo parlait, les souvenirs ineffaçables de son entrevue avec Giulio lui apparaissaient maintenant sous un jour nouveau. Elle sentait avoir été comme inspirée par une puissance supérieure à prononcer tout ce qu'elle avait su dire en ce moment suprême. À chaque phrase du récit de son mari, à chaque mot qui parfois sortait péniblement, elle voyait tout ce qu'il avait dû souffrir dans cette journée, et chaque regard, chaque geste lui montrait la noblesse cachée au fond de cette âme, et que ni les corruptions du monde, ni le scepticisme de sa vie n'avaient pu étouffer. Après cette confession, ils se sentirent tous les deux soulagés, mais cela ne suffit pas à ôter la barrière qui semblait les séparer, ni à dissiper l'ombre qui pesait sur la villa. Elisa guérit vite, mais on lui recommanda les plus grands soins, en lui conseillant en même temps de se distraire. Massimo continua à s'occuper d'elle exclusivement, mais sans pouvoir retrouver ni sa force de caractère, ni son courage moral, se disant que puisque le sort n'avait pas permis qu'un enfant formât un lien nouveau entre lui et sa femme, il ne pouvait plus espérer dans l'avenir. Massimo proposa à Elisa de s'installer pour 3 mois à Florence et d'y aller plus tôt qu'il n'avait décidé pour y accompagner Madame Valenti, qui désirait y passer quelques jours avant de retourner à Milan. Sa villa, qu'il aimait tant autrefois, ne lui plaisait plus, et il pensa qu'un changement lui serait peut-être salutaire. Il comptait sur les distractions forcées. De plus, hélas, la solitude complète avec Elisa lui semblait mauvaise pour elle et pour lui. Dans les premiers jours passés au palais d'Astore, il arriva en effet que les soins d'installation, des visites à recevoir et à rendre, des affaires un peu négligées et dont il fallait s'occuper, les exigences de Madame Valenti, la compagnie de Madame Goffredi et de quelques autres amis intimes, prirent une bonne partie de leur temps. D'un commun accord, inexprimé, ils acceptèrent, dans une certaine mesure, toutes les banalités de la vie de ville, et ils se créèrent de petites occupations de tous les devoirs négligés jadis avec tant de bonheur. Ils cédaient parfois paresseusement à toutes sortes d'envies baroques qui passaient par la tête de Madame Valenti, et Elisa accompagnait souvent son père dans ses interminables flâneries par les rues, écoutant son bavardage un peu vide, mais affectueux, et lui entendant répéter, presque avec une sorte de plaisir, toutes les histoires de sa jeunesse qu'elle connaissait par cœur, et qu'elle lui avait toujours entendu débiter avec la même expression de fatuité fatiguée. À Florence, on trouva Massimo changé. Il n'était ni moins beau, ni moins élégant. La pâleur de son visage, un peu amaigri, donnait au contraire un charme nouveau à sa figure, qui n'était pas altérée, mais plus sérieuse. Seulement, il parlait peu et paraissait préoccupé. Son regard, devenu plus profond, ne se fixait plus sur les gens avec cette rapide fixité d'observation qui troublait et fascinait autrefois. Il était devenu distrait et pensif. Il avait perdu cette prompte répartie qui l'avait rendu célèbre, et le trait, parfois décoché encore par habitude, partait comme languissamment et en retard, et il le voyait tomber à terre, insoucieux. On le disait malade, atteint d'une maladie au cœur, plus sérieusement qu'il ne croyait, car lui-même en parlait en riant. La vérité était que les fortes secousses morales avaient altéré sa santé et un peu entamé cette constitution de fer qui avait résisté à tout le reste. Son médecin, de la sincérité duquel il était sûr, tout en lui recommandant d'éviter les émotions et de vivre régulièrement, l'avait rassuré. Mais parfois il sentait, lui, le vague pressentiment qu'il mourrait jeune, comme son père. Certes, ce n'était pas lui qui se préoccuperait de quelques années de plus ou de moins vivre, mais ce qu'il voulait, c'était reconquérir d'abord le bonheur perdu, trouver en lui la force qui vaincrait la destinée, revivre comme il avait vécu pendant 3 ans, en savourant bien mieux sa félicité maintenant. Toutefois, dans ces heures de découragement, lorsqu'il n'espérait pas, il arrivait à désirer que les médecins se fussent trompés et à souhaiter de s'en aller bientôt, tout à coup, sans souffrance, comme il arrive dans le genre de maladie qu'il s'imaginait avoir. Car, malgré tous les raisonnements qu'il se faisait dans ces moments lucides, il était bien découragé. Un effort était nécessaire, il le sentait et la force lui manquait. Le ressort semblait brisé en lui. Le désir immense qui le remplissait, qui le faisait souffrir et espérer, qui seul l'aidait à vivre, ce désir était infini mais impuissant. Par moments, il n'éprouvait plus rien qu'un grand besoin de repos. Il se sentait encore une âme fière et des muscles d'athlète, mais il ne savait plus s'en servir et avait perdu toute confiance. Il devenait parfois presque indifférent et tombait peu à peu dans cette apathie morne qui nous endort pendant des journées entières et d'où le coup lancinant de la douleur qui revient brusquement, pareil à une souffrance physique, nous réveille en sursaut. Dans le monde, on le regardait beaucoup avec une curiosité nouvelle. Pendant longtemps, il ne s'en aperçut presque pas. Des nuages étaient donc venus obscurcir cette lune de miel, qui paraissait devoir briller toujours, se disait-on. Un jour que Massimo restait silencieux dans son coin, Lady Thompson lança ce mot profond. Il paraît que même le bonheur ne rend pas heureux. Mais, à une soirée, tandis qu'il assistait à une partie de piquet et qu'on le croyait absorbé dans la marche du jeu, qu'en réalité il ne voyait même pas, il entendit quelques jeunes gens qui parlaient de lui. On le plaignait. Il excitait donc la pitié maintenant. La blessure que ressentit tout à coup son amour-propre lui fut un coup d'éperon. Il leva la tête et se redressa de toute sa hauteur. En se mirant dans une glace devant lui, il vit qu'il n'était plus le même, qu'il fallait le redevenir, et qu'à ce prix seul, il pourrait peut-être reconquérir le bonheur. Il regarda autour de lui comme un homme qui se réveille, et son énergie lui revint. Ce fut comme une transformation. Par un violent effort de volonté, il se changea. Il retourna dans le grand salon, où Lady Thompson aussi parlait de lui à voix basse, entourée de ses intimes, et ce fut comme si Massimo d'Astore faisait son entrée après une longue absence. Tandis qu'il parlait, avec sa verve retrouvée, il voyait par la porte large ouverte, dans le salon à côté, Elisa, qui, au milieu d'un groupe de femmes affublées de toilettes prétentieuses, dominait par sa simplicité même et par le tranquille éclat de sa beauté. Jamais elle ne lui avait paru si charmante. Il l'aima en ce moment-là au point d'oublier ses récentes douleurs. En le voyant causer, elle lui sourit, et par ce seul sourire, il se sentit rempli d'un orgueil sans bornes. Il se trouva subitement à son aise, comme chez lui, et il eut une vraie jouissance dans la reprise de possession de lui-même. Depuis ce moment, Massimo eut bien encore des défaillances, mais il recommença à lutter. Il s'applaudit d'être à Florence, car là seulement il avait pu sortir peu à peu du marasme où il était tombé. Il redevint pour Elisa ce qu'il avait été dans les premiers jours de son amour. Il regarda sa beauté refleurir après la convalescence, l'entourant de soins discrets avec toutes les délicatesses de sa nature raffinée. Il surtrouvait les séductions que la passion inspire, ils étaient plus charmantes, voilées par la tristesse qu'il ne lui cachait pas à elle. Et cependant, il ne s'imposait pas, comprenant qu'il fallait laisser le temps agir. Il la poussait à se distraire un peu, cherchant tout ce qui pouvait mieux lui plaire. Et il ne lui montrait plus ses craintes, ses troubles, ses découragements. Il se cachait dans les heures mauvaises. Encore bien malheureux, il passait toutefois au milieu de la foule, fier de se voir envié. Il réunissait tout ce qui lui restait de force, de jeunesse et d'esprit dans un dernier effort. Pour le moment, il sentait qu'ils étaient plus rapprochés au milieu du monde que seuls. Il étudiait chaque geste, chaque attitude d'Elisa, tâchait de voir passer ses pensées sur son front, d'interpréter les mots, de lire dans ses yeux, et un regard morne suffisait à le glacer pendant un instant, comme un serrement de main avait la puissance de lui rendre tout son courage. Par un accord tacite, il ne parlait pas de ce qui s'était passé. L'apaisement qui se faisait pouvait être facilement troublé, il le sentait, et une gêne vague était encore entre eux. Il comprenait que le silence était bon et aidait le temps. Pour le quart d'heure, ils se cachaient à eux-mêmes leurs propres secrets. Massimo, d'ailleurs, sortait, la laissait avec ses parents, et Madame Valenti, qui ne savait rien, était très satisfaite des bonnes dispositions de son gendre à son égard, et en profitait pour prolonger son séjour en Toscane, bien heureuse de se montrer aux Cassines dans le magnifique équipage de sa fille. On s'empressait autour d'Elisa, et tous les jeunes gens lui faisaient une espèce de cour respectueuse. Ceux qui s'obstinaient à la bouder étaient maintenant mal reçus. Lady Thompson disait que Madame d'Astorre perdait son seul défaut, celui d'être un peu sauvage, et elle ne parlait plus d'Elisa que comme de sa meilleure amie, prétendant qu'elle était jalouse de la comtesse Goffredi. Celle-ci seule devinait qu'il devait s'être passé quelque chose d'insolite à la Villa del Giglio. Elle ne pouvait rien comprendre toutefois, et regrettait bien que Paolo fût absent, car lui seul peut-être eût su découvrir la vérité. Mais Paolo était en Orient, faisant partie d'une expédition scientifique. Cependant, Elisa, en se retrouvant au milieu du monde, saisissait une foule de choses jadis obscures pour elle. La lumière se faisait encore une fois, et certaines habitudes étranges lui paraissaient maintenant presque naturelles. Moins farouche, elle sentait que la distraction peut parfois être nécessaire, et elle subissait volontiers l'influence des choses extérieures, du bruit que la vie mondaine faisait autour d'elle, et qui mettait la sourdine à ses pensées incessantes, à ses souvenirs encore trop vifs. Et elle comprit mieux son mari. Elle devina combien chez les hommes le caractère, la conduite est subordonné aux circonstances, à la position sociale, au premier pas de la jeunesse, à l'exemple des autres, à la vanité excitée, à une curiosité insatiable lorsqu'elle n'est contenue par aucun principe. Elle réussissait à être bonne et aimante, à montrer que rien n'était changé en elle, mais parfois, quand il se trouvait seul, le regard fixe de Massimo cherchant à pénétrer jusqu'au fond de son âme la décourageait, et elle sentait un trouble plein d'effroi lorsqu'après une étreinte follement passionnée, il se dégageait tout à coup et se rejetait en arrière avec une expression de souffrance et comme s'il avait sur les lèvres une question qu'il ne pouvait formuler. Et elle ne pouvait certes pas deviner ce que son mari pensait alors. Il pensait qu'une condamnation pesait sur lui, et qu'ayant appris si tard à aimer, il ne pouvait être complètement aimé. Le sort lui refusait les joies méconnues autrefois, maintenant qu'il les comprenait, et à lui qui n'avait vu que le côté plastique de l'amour, les suprêmes délices de l'union absolue des sentiments étaient refusés à tout jamais. Quand il voyait Elisa lui sourire, quand il la serrait sur son cœur, il sentait cependant qu'il ne la possédait pas tout entière. Que n'aurait-il pas donné pour l'avoir rencontrée le premier ? Pour régner dans son âme en maître absolu, pour être seul au monde à l'adorer, pour qu'elle n'eût pas une seule pensée secrète, un seul souvenir qui ne lui appartint pas. Lui, si orgueilleux jadis de sa liberté, se sentait maintenant fier d'appartenir tout entier et pour toujours à une femme, et il méprisait son passé si plein et si vide à la fois. Mais il eût voulu assouvir toutes les exigences de la possession. Il comprenait que le désir humain est toujours incomplet, mais qu'il doit être au moins satisfait dans toute l'extension que les lois humaines permettent. Il songeait que dans cette solitude de l'amour qui met le désert entre nous et le monde, il ne possédait pas toute l'âme d'Elisa, même lorsqu'il l'enfermait dans le réseau de ses tendresses, comme en un filet dont on ne peut rompre une seule maille. Et il se sentait alors envahir par une immense détresse qui le laissait faible comme un enfant. Il pensait souvent, trop souvent, à Giulio Bardi. Du jour où il avait vu et compris cet homme, quelque chose de nouveau s'était révélé à lui. Il avait commencé par le haïr avec une haine intense, puis il l'avait admiré. Maintenant, il songeait sans cesse à ce rival à tout jamais éloigné, mais qui restait toujours présent à son souvenir. il pensait que cet homme, voué au travail dès sa première jeunesse, avait été condamné à l'exil et à un labeur incessant, presque matériel et sans doute inférieur à son intelligence, et que dans cette vie toute de devoir, l'amour avait été le seul point lumineux, un amour sublime et fort, allant jusqu'au renoncement complet. Lui, Massimo, au contraire, né parmi les heureux du monde, possesseur d'un grand nom et d'une fortune colossale, ayant connu tous les plaisirs, toutes les jouissances et même les émotions qui sont les plus rares dans les classes privilégiées, lui, admiré, flatté, gâté, choyé, caressé dans toutes ses vanités, n'avait jamais pensé qu'à lui-même et avait dédaigné les sentiments les plus nobles de la vie. Et maintenant, converti, aspirant aux voluptés les plus élevées, après s'être vautré dans les plus basses, fatigué de tout, blasé, se tournant vers la vérité par un dernier caprice, et ne comprenant la curiosité de la passion complète et idéale qu'après avoir eu toutes les autres, il était venu, lui qui avait tout, voler l'amour de toute sa vie à l'autre qui n'avait rien. Mais malgré ses pensées, que certes, les gens du monde n'auraient pas comprises, il voulait vaincre.